cet ange qui devint Satan. Ou de la pucelle d'Orléans. Des veuves de la guerre de Cent Ans. Rien. De la première arche de Noé. De notre amour, né d'avant.